Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'incendie de la boîte de nuit le 5-7 à Saint-Laurent-du-Pont, en Isère. Au matin du 1er novembre 1970, la France se réveille avec une information dramatique. Dans la nuit, 146 personnes, dont la plupart avaient moins de 20 ans, ont péri dans l'incendie de l'un des dancings les plus fréquentés de l'Isère. Dans un chaos que les rescapés peinent à décrire, des dizaines de jeunes venus faire la fête se sont retrouvés pris au piège d'une salle en feu dont les décors en plastique se sont embrasés et ont fondu en quelques minutes seulement. Cet événement, qui a endeuillé de nombreuses familles de la région, de Chambéry jusqu'à Grenoble, est le résultat d'un millefeuille de négligence. De la part des propriétaires, d'abord, qui se sont assis sur la plupart des règles de sécurité, des autorités, ensuite, qui ont fermé les yeux sur une construction bancale et, sur de nombreux points, illégale. Mais cet événement tragique est éclipsé par la mort du général de Gaulle, 7 jours plus tard. Une ironie du calendrier, relevée par le journal satirique Harakiri, qui n'hésite pas alors à mêler les deux événements sur sa une sous le titre resté célèbre « Balle tragique à Colombé, un mort ». Notre invité aujourd'hui, Patrice Morel, journaliste, il est aussi un enfant du pays qui a vécu ce drame de près, une catastrophe qui, 50 ans plus tard, continue de marquer la mémoire de la région. Affaires Sensibles, une mission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Gaspard Valu, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. En cette soirée du samedi 31 octobre 1970, le 5-7 à Saint-Laurent-du-Pont, en Isère, s'apprête à faire le plein. Installé depuis 6 mois le long de la Nationale 520 qui relie Grenoble à Chambéry, cette boîte de nuit est déjà une attraction pour tous les jeunes de la région. Il faut dire que les 3 propriétaires ont vu les choses en grand. Ici, ce n'est pas l'une des salles de bal traditionnelles que l'on trouve dans la France rurale des années 70, non. C'est l'une des toutes premières discothèques de la région. On y danse sur du rock et de la pop et l'alcool coule à flot. Et puis, l'endroit s'inscrit bien dans l'air du temps, qui se veut festif et transgressif. Après avoir passé les grands tourniquets qui permettent de réguler le flot de clients, on pénètre dans la salle principale. Le décor simule une grotte avec une sorte de mousse modelée qui tapisse les murs et les plafonds. Face à la scène, une estrade fait office de piste de danse et des petites tables sont installées au fond, là vers le bar, pour ceux qui sont venus là pas seulement pour se trémousser, mais pour passer au véritable objectif de cette sortie, la drague. À l'étage, il y a aussi 2 petites loges où les flirts d'un soir peuvent s'exprimer, disons, plus pleinement. Cette soirée, en pleine vacances de la Toussaint, les propriétaires n'ont pas lésiné sur les moyens. Des cars sont affrétés pour permettre aux jeunes de toute la région de venir faire la fête. Et c'est par dizaines qu'ils arrivent de Grenoble, Voiron, Vénissieux. En tête d'affiche de cette soirée, un groupe parisien à la mode, les Storms. Tout au long de la soirée, la salle fait le plein, les danses sont endiablées, le bar enchaîne les commandes et, dans les loges du premier étage, les baisers s'échangent au rythme des riffs de guitare. Vers 1h30 du matin, alors qu'environ 200 personnes sont encore dans les lieux et que les Storms entament les premières notes de Satisfaction des Rolling Stones, Christian, l'un des barmen du 5-7, aperçoit une volute jaunâtre qui s'échappe du premier étage, là justement où sont installées les petites loges. Et rapidement, il comprend. Oui, comme il le raconte le lendemain dans la presse. Lorsque j'ai senti l'odeur de brûlé et que j'ai vu s'élever les premières flamèches, je me suis dirigé vers une petite porte. Je l'ai ouverte et j'ai tenté d'entraîner à l'extérieur tous ceux, garçons et filles, qui se trouvaient à proximité. Certains m'ont suivi. Mais la majorité du groupe, je dois le dire, effrayée sans doute par la rapidité avec laquelle le feu consumait les rideaux, les tentures, et déjà brûlés par le polyester devenu liquide, ont reculé vers la piste de danse et se sont trouvés pris dans le flot qui se ruait vers le tourniquet. Je n'ai rien vu d'autre. La fumée cachait le reste. Et pour cause, à l'intérieur, le chaos règne. En quelques minutes seulement, les flammes ravagent le dancing et une épaisse fumée envahit la salle. Certains parviennent à s'échapper dans les premières secondes, mais rapidement la panique s'empare de la foule. Les jeunes clients tentent de trouver des issues de secours, mais à part celle par laquelle Christian est sorti, toutes sont fermées à double tour. Les jeunes fêtards se retrouvent alors bloqués dans une salle où le décor, constitué tout entier de polystyrène et de mousse de polyuréthane, se met à fondre. Des gouttes de plastique enflammées tombent alors du plafond sur des clients paniqués, pris au piège, une vision d'enfer. La fumée extrêmement toxique qui se dégage du plastique en feu plonge le 5-7 dans l'obscurité. Rapidement, les jeunes commencent à perdre connaissance. L'enquête indiquera plus tard que beaucoup sont morts asphyxiés avant même d'être brûlés par le feu et le plastique. Le grand tourniquet à l'entrée, qui permet d'ordinaire de réguler le flot des clients, s'est transformé en piège mortel. La foule qui s'est précipite se retrouve bloquée, impossible de passer. Devant les issues de secours également, c'est la panique. Les premiers arrivés font face à des portes closes et sont écrasés par la foule effrayée qui tente de s'échapper de cette souricière. Alors ils frappent de toutes leurs forces sur les portes pour tenter de les faire céder ou au moins, se faire entendre de l'extérieur. Finalement, un petit groupe parvient à forcer l'une des issues de secours. Mais l'appel d'air qui s'ensuit provoque une explosion qui embrase encore un peu plus le dancing. Gilbert Bas, l'un des trois propriétaires, arrive à sortir des clubs et monte dans sa voiture pour aller chercher les secours dans le village. Car dans la discothèque à l'intérieur, il n'y a pas de téléphone. À 1h45, dans les 10 minutes qui suivent le départ de l'incendie, l'alerte est donnée. À 11h55, les pompiers arrivent. Mais il est déjà trop tard. Plus aucun cri ne s'échappe des murs calcinés. Plus aucun coup non plus n'est donné contre les portes métalliques. Presque tous ceux qui sont à l'intérieur sont morts. Les pompiers décident alors que la priorité n'est plus de sauver l'improbable survivant, mais d'éteindre le feu qui ravage le bâtiment. Au petit matin, les premiers témoignages arrivent par voie de presse. Et la France se réveille au son d'un récit effroyable que les rescapés, encore choqués, racontent aux journalistes arrivés dans la nuit. J'ai vu des gens qui étaient affolés, qui descendaient. Puis tout d'un coup, les flammes, je prenais un secteur, puis je suis parti. C'est tout. Puis après, je suis revenu à la porte de l'entrée. C'était une fournaise dedans. Je ne pouvais pas rentrer. On a sorti deux qui étaient nus, recouverts de plastique. On les a mis dans une voiture, on les a amenés à l'hôpital. Voilà. Dans le Figaro, un autre témoin raconte le chaos qui règne dans le 5-7 en feu. Tous les décors en plastique formant une grotte ont commencé à s'enflammer et à fondre. Nous nous sommes précipités vers le tourniquet. Nous avons pu sortir en escaladant une murette, mais une fois dehors, nous ne pouvions plus rien pour nos camarades que l'on entendait hurler à l'intérieur. Il y avait contre les portes de secours fermées de terribles coups de poing. C'est derrière elle qu'il y a eu le plus de morts. Nous avons vu sortir quelques blessés. La plupart étaient affreusement brûlés par la matière plastique qui avait coulé du plafond sur eux. Le feu tout juste éteint, les pompiers débutent l'éprouvant travail d'extraction des corps. Alors qu'ils pénètrent enfin dans les décombres du dancing ravagé, ils découvrent une scène d'horreur. Face à eux, là, juste devant la porte d'entrée, un tas de corps calcinés par le plastique en fusion, comme figés, pris au piège devant ces tourniquets censés freiner les resquilleurs. Les brancards se suivent les uns après les autres, mais la violence du feu et la gravité des brûlures rend la tâche des pompiers encore plus dure. Et à l'heure d'établir un premier bilan humain, l'incertitude domine, à l'image de cette déclaration du capitaine des pompiers. Mon capitaine, vous pensez qu'il y a combien de victimes ? Écoutez, pour le moment, il est difficile de vous répondre, de donner une approximation. Des chiffres ont été avancés. Je n'ai peur qu'une peur, c'est qu'ils soient malheureusement vérifiés ou même dépassés. C'est-à-dire quel chiffre ? On parle de 40, d'un minimum de 40. J'ai entendu parler de 80. Peut-être. Souhaitons de tout cœur que ce ne soit pas vrai. Le nombre de corps sortis des décombres s'accroît de minute en minute. 80, 100, 120... Puis ce sont finalement 142 victimes qui sont recensées par la gendarmerie et les pompiers. 142 morts, pour la plupart âgés de moins de 20 ans. Un choc immense secoue la France. Dans les familles de toute la région, la panique se répand. Tous cherchent à savoir si leur fille ou leur fils se trouvait au 5-7 cette nuit-là. Rassemblés aux abords de la boîte de nuit encore fumante, des proches partent à la recherche d'une voiture sur le parking, harcèlent les forces de l'ordre pour obtenir une liste de victimes qu'il est pour l'heure impossible d'établir. Dès le lendemain du drame, le village de Saint-Laurent-du-Pont tente de s'organiser. Une chapelle ardente est installée dans la salle des fêtes. Cette grande salle, où se déroulent habituellement mariages et autres événements heureux, est aujourd'hui lieu de tragédie. 142 cercueils sont alignés, parfois avec un nom et un prénom, mais le plus souvent avec seulement un numéro et quelques objets qui pourraient permettre d'identifier les corps. Les familles déambulent à la recherche d'un fils ou d'une fille qu'ils espèrent ne pas trouver ici. Une scène terrible, racontée dans le journal télévisé du soir. Dans la grande salle de la mairie de Saint-Laurent-du-Pont ce matin, un silence pesant a fait place à l'agitation d'hier. Les familles, qui n'ont pu encore identifier leurs disparus, ont repris la ronde tragique autour des objets aux trois quarts calcinés, bagues, montres, chaussures, et qui leur permettra peut-être de savoir ce que sont devenus leurs filles ou leurs garçons. Dans la chapelle ardente, où l'on prend sans doute encore plus conscience de ce drame, s'alignent sur cinq rangs 142 cercueils. Les corps de 142 jeunes gens et jeunes filles qui étaient venus se divertir un samedi soir. Sur 88 d'entre elles, un nom et une adresse. Ceux des victimes de la tragédie, identifiés par leur famille. Sur les autres, une simple fiche de signalement dont le laconisme frappe et révèle l'ampleur de la catastrophe. Visage identifiable, collier, mini-jupe violette, tout ce qui est reconnaissable d'une jeune fille ou d'un garçon dont la nuit de danse est achevée brutalement. Finalement, et après plusieurs dizaines de jours d'un épouvantable travail d'identification, quatre corps restent sans nom. La violence de l'incendie les aura rendus anonymes. Le bilan définitif s'alourdit de jour en jour. Au final, l'incendie de la boîte de nuit de 5-7 aura fait 146 victimes. We didn't have much time. The things never in the moment. L'incendie du 5-7. Face à ce drame sans précédent, une question est sur toutes les lèvres. Comment un événement aussi tragique a-t-il pu se produire? Pourquoi ces 142 jeunes venus s'amuser un samedi soir se sont-ils retrouvés enfermés dans ce que les pompiers qualifieront plus tard de boîte d'allumettes prête à s'enflammer? Comment ce piège portel s'est-il refermé sur eux? Rapidement, les médias et les autorités pointent du doigt les nombreuses irrégularités dans la sécurité du 5-7. La première d'entre elles est constatée à l'arrivée des pompiers. Des issues de secours étaient verrouillées à double tour. C'est alors vers Gilbert Bas, le seul survivant des trois propriétaires du Lansing, que les enquêteurs et caméras se tournent. Interpellé par une équipe de journalistes sur le perron de son domicile, il peine à justifier l'indéfendable. Non, c'est pas vrai, tout ce qui a été dit sur les journaux. Prenez tous les journaux ce matin, prenez même ce qui a été dit, une bonne partie de ce qui a été dit à la télévision hier au soir, il n'y a rien de vrai, c'est tout des racontars, c'est tout. Bien sûr, un journaliste vient ici, voit le 5-7 en flammes, des centaines de blessés, de morts, pas de blessés, ils sont tous morts, les pauvres. Enfin, bien sûr, on suppose ça, on voit une porte fermée, les portes étaient fermées, mais c'est pas vrai que les portes étaient fermées. Il y avait combien de portes ouvertes au moment du sinistre? Bon, au moment du sinistre, il y a des gens, très peu, les premiers, ceux qui étaient très près des portes, qui sont sortis par trois portes. Oui, mais il y avait quand même des portes fermées, notamment deux portes, et la clé de cette porte était dans le tiroir caisse. Bon, vous avez dit tout à l'heure, c'est une histoire à faire de l'argent à tout prix, c'est pas vrai. Bon, vous avez cinq portes, si on laisse ces cinq portes ouvertes, c'est même plus la peine de faire payer des entrées. Ça, tout le monde le comprend bien, ça. Des explications qui sont loin d'être convaincantes. Car c'était bien pour s'assurer qu'aucun resquilleur n'entre dans la boîte de nuit que les propriétaires ont délibérément fermé les issues de secours à clé. C'est aussi pour cette raison que deux tourniquets géants étaient installés à l'entrée. Oui, piège mortel. Au fur et à mesure que l'enquête avance, c'est un nombre à peine croyable d'infractions qui est recensé. Au total, 68 manquements en règles de sécurité sont relevés par les enquêteurs. Pour comprendre comment la catastrophe a pu arriver, c'est au début de l'histoire du 5-7 qu'il faut remonter. Le récit de cette boîte de nuit, la première de la région, c'est celui de l'ambition démesurée d'un jeune homme du pays, Jean-Paul Reverdy. En 1967, ce jeune homme âgé de 25 ans rachète un local dans un hameau de la commune de Saint-Laurent-du-Pont. Mais après deux années d'une affaire qui roule, les voisins se plaignent des nuisances. Comme le confirme le maire, Pierre Perrin, dans une interview accordée au lendemain de l'incendie. Initialement, ce dancing existait dans un hameau excentré du pays, qui s'appelle les Martins. Et naturellement, pour nous-mêmes, cela causait une entrave presque permanente, et en tout cas toutes les fins de semaine, aux gens qui habitaient non loin de cette installation. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé aux gérants naturellement de cette affaire, d'en partir. Le gérant prend acte de la demande du maire. De toute façon, cette petite salle de village est devenue trop petite. Au début de l'année 69, il propose à deux de ses amis de s'associer pour monter un tout nouveau 5-7. Jean-Louis Herbelin et Gilbert Bas entrent ainsi dans la danse. C'est sur un terrain qui appartient à Gilbert, alors ouvrier en bâtiment, que les trois associés décident de construire leur nouveau club. Le lieu est idéal, situé à 2 kilomètres du village, il ne risque pas d'être embêté par des voisins à l'ouïe trop sensible. Et puis, le terrain est suffisamment grand pour y construire un bâtiment à la hauteur de leur ambition. Le 11 juin 1969, soit deux jours avant de créer la société d'exploitation du futur dancing, il dépose une demande de permis de construire, transférée dans la foulée à la préfecture de l'Isère, telle est la règle pour les établissements de plus de 500 mètres carrés. Mais les trois associés sont de jeunes hommes pressés, et ils ne s'embarrassent pas de formalités administratives. D'ailleurs, ils ont commencé les travaux depuis le mois de mai. Grâce à deux prêts, ils financent le gros œuvre, mais les moyens ne sont pas suffisants. Alors on fait appel à la débrouille. Pour la structure du bâtiment, ils achètent une armature métallique qu'ils bidouillent et façonnent selon leurs envies du moment. Les installations électriques sont précaires et c'est Gilbert, le manuel de la bande, qui s'occupe de la conception des gaines de chauffage. Des gaines de protection qu'il croit bon de fabriquer en contreplaqué. Pour les décors, ils font appel à la société Chebby. Cette entreprise spécialisée dans la commercialisation du polyuréthane installe des plaques de mousse de ce polymère qui permet de façonner un décor dans le style d'une grotte. Un choix qui, on le sait, sera fatal aux 146 jeunes venus danser le soir du 31 octobre. Le permis de construire est finalement délivré le 5 novembre 69, alors même que le gros œuvre est déjà terminé. Mais la construction qu'ils ont réalisée n'a plus grand-chose à voir avec le permis, car elle a évolué au gré des idées plus ou moins loufoques des trois associés patrons de boîte. Le tout nouveau 5-7 ouvre finalement ses portes le 28 mars 1970, 8 mois à peine avant la tragédie du 1er novembre. Face à la découverte d'autant d'irrégularités, ce sont désormais les autorités administratives qui se retrouvent sous le feu des critiques. En première ligne, Pierre Perrin, le maire de Saint-Laurent-du-Pont. Mais l'élu qui, le lendemain du drame, annonce avec beaucoup de légèreté, le sourire en coin, qu'il ne connaît que très peu cette boîte de nuit, pourtant installée sur sa commune, choque les familles de victimes. Lui et le secrétaire général de la préfecture, dont la signature est présente sur bon nombre d'actes administratifs, ne pouvaient pas ignorer l'existence de cette discothèque, ça paraît évident. Pour les familles victimes, cette désinvolture coupable et dramatique ne passe pas. Elles veulent des explications. Si les propriétaires du dancing ont fait n'importe quoi, eh bien c'était au maire de les sanctionner ou à minima de les contrôler. Le 4 novembre, 4 jours après le drame, la sanction tombe. Le conseil des ministres est maintenant terminé. Il s'est terminé à 13h10. Guy Claes est en ligne. Guy Claes, nous avons déjà annoncé que le secrétaire général de la préfecture de l'Isère et le maire de Saint-Laurent-du-Pont étaient suspendus. Quels sont les détails que vous avez ajoutés? Oui, eh bien, le conseil des ministres a estimé, ça fait partie du communiqué officiel, que le maire de Saint-Laurent-du-Pont et le secrétaire général de l'Isère avaient eu un rôle déterminant à jouer dans l'instruction du dossier du snack bar d'Ancine, le 5-7. Et le conseil des ministres ajoute que la mesure de suspension a pour but de faciliter le déroulement de l'enquête et qu'elle ne préjuge pas des responsabilités que la justice pourra seule établir. Donc, en conséquence, le conseil des ministres estime que la responsabilité du maire de Saint-Laurent-du-Pont et du secrétaire général de l'Isère risque d'être engagée. Voilà, je crois, le seul commentaire que l'on pouvait apporter à cette décision du conseil des ministres. Il faut bien sûr maintenant suivre attentivement le déroulement de cette enquête. Merci, Guy Claes. Le gouvernement ne préjuge de rien, mais cette mise à pied de l'édile ne passe pas auprès des maires de la région. Son cas est symptomatique d'une classe d'élus qui n'a pas encore connaissance de ses responsabilités dans ce genre de situation. Et un exemple est frappant. Le maire de Saint-Laurent-du-Pont était membre de la commission de sécurité qui a délivré son autorisation d'exploitation au club Le 5-7. Mais il n'y a jamais siégé. Selon son témoignage, qui sera confirmé durant l'enquête, il ne savait même pas qu'il faisait partie de cette commission. Le 7 décembre, un peu plus d'un mois après le drame, Pierre Perrin retrouve son fauteuil de maire. Un retour qui ne passe pas pour les familles victimes, qui le jour même viennent manifester dans le village. La réintégration de M. Perrin dans ses fonctions de maire a provoqué une vive réaction de l'association des parents des victimes de l'incendie 5-7. Les parents des victimes condamnent cette décision. Hier, ils se sont rendus en cortège place de la mairie pour marquer leur désapprobation. Ils ont déposé aussi, sur les lieux du drame, des gerbes. Durant cette manifestation, Raymond Espinoza, porte-parole de l'association des familles de victimes, lève la voix. Elle clame haut et fort, un maire ça se remplace, un enfant non. Mais les habitants de Saint-Laurent-du-Pont ne seront pas de cet avis. Le matin même, un tract est distribué dans la commune. Il s'adresse directement aux familles victimes. Il y est écrit, en lettres capitales, « Nous vous interdisons de vous immiscer dans la gestion de notre commune ». Dans ce village, où 4 familles sont pourtant endeuillées, une commerçante s'exprime dans la presse. « Cette manifestation me gêne. Je crois que, si j'avais perdu mon fils, je pleurerais en silence. » Et je considère tout à fait normal que le maire reprenne ses fonctions. Il n'aurait jamais dû être suspendu. Ambiance. Mais où est-il le maire, en fait? personne aux fenêtres de son bureau et devant sa villa, les manifestants trouvent des rideaux tirés. Deux gendarmes sont même envoyés pour protéger l'entrée de son domicile. Le lendemain de la réintégration du maire, c'est Albert Ulrich, le secrétaire général de la préfecture, dont la signature est apposée sur presque tous les documents administratifs, qui retrouve son poste. Le conflit entre l'administration et les familles de victimes atteint son paroxysme lorsqu'en juin 76, la demande d'exonération de TVA pour le monument dédié aux morts est refusée. L'association de familles des victimes se voit contrainte de payer 30 000 francs au fisc pour une stèle dont le financement n'a pas fait appel aux deniers de la municipalité. D'ailleurs, le jour de l'inauguration, le maire est absent et presque aucun Laurentinois ne se rend sur place. Le 9 octobre 1972, après presque deux ans d'enquête, le procès des responsables de l'incendie du 5-7 s'ouvre finalement au tribunal correctionnel de Lyon. Saint-Laurent-du-Pont, l'incendie du Dancing du 5-7, un drame qui a bouleversé la France entière il y a deux ans, l'heure de la justice va sonner demain à Lyon avec l'ouverture d'un procès à émotion. Cinq hommes, les cinq inculpés, ont à répondre de la mort tragique de 146 jeunes gens que leurs parents pleurent encore aujourd'hui. Sur le banc des accusés, cinq hommes donc. En premier lieu, Gilbert Bas, le seul gérant encore en vie de la boîte de nuit. Pierre Perrin, maire de Saint-Laurent-du-Pont, récemment réélu. Marcel et Joseph Wimfless, les installateurs du chauffage, dont le matériel est désormais la cause avérée du départ du feu. Et Alfred Moskowitz, président de la société chez Bi, fournisseur des matières plastiques qui ont permis de créer ce maudit décor en plastique qui n'a laissé aucune chance aux victimes. En revanche, Albert Ulrich, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, dans un premier temps mis en cause durant l'enquête, n'est pas inculpé. Durant toute la semaine d'audience, les 68 infractions au règlement de sécurité sont détaillées et analysées. Face aux juges et aux familles, Gilbert Bas défend l'installation des tourniquets à l'entrée de la boîte de nuit. Selon lui, il ne diffère en rien des portes à tambour présentes dans les grands hôtels. Une argumentation qui ne tient pas debout. Son avocat, lui, n'hésite pas à parler de trois gamins qui ont agi sans le contrôle d'adultes responsables. Comprenez ici, la faute revient aux autorités qui auraient dû contrôler l'état du dancing. Mais le propriétaire est bien l'unique accusé à reconnaître ses torts, et il plaide coupable. Les autres, bon, ils se cachent derrière des excuses, disons, administratives, on rejette tout sur le manque de contrôle. Les familles des victimes, elles, n'espèrent qu'une chose, que le procès établisse enfin des responsabilités, que la justice rende justice, et que cette catastrophe ne se reproduise plus. À l'image de ce père d'une victime, interrogé la veille de l'ouverture du procès. Je vais tout d'abord vous dire ce que nous n'en attendons pas. C'est de l'argent. Parce que n'importe quelle somme ne nous indemnisera pas du millième de ce que nous avons perdu. Nous attendons de la justice qu'elle soit claire et précise. Deux ans après cette catastrophe, nous voudrions, non pas par un esprit de vengeance ni de haine quelconque, que les responsables à tous les niveaux soient connus d'une façon claire. Quand on pense aux difficultés rencontrées par un simple particulier pour de petits travaux et avec quelle minutie, dans certains cas, on fait respecter la loi, on est affolé de voir avec quelle désinvolture ça s'est passé pour le 5-7. Mais au terme d'une semaine d'audience, le réquisitoire du procureur frappe les observateurs par sa clémence. Pour le maire de Saint-Laurent-du-Pont, c'est même une sanction symbolique qui est demandée. Et lorsque le tribunal rend son jugement le 22 novembre 1972, les familles tombent des nues. Gilbert Bas est condamné à deux ans de prison avec sursis. Sursis également, quelles que soient les peines, pour l'ensemble des prévenus, pourtant tous reconnus coupables d'homicide et blessures involontaires sur 146 personnes tout de même. Et comme attendu, il y aura un second procès, en appel. Celui-là se tient en novembre 1973 et débouche sur les mêmes jugements qu'en première instance. Et chaque famille de victimes reçoit une compensation de 5 900 euros. Aujourd'hui, de cette nuit terrible du 1er novembre 1970, il ne reste plus que le monument aux morts installé le long de la Nationale 520 à la sortie du village de Saint-Laurent-du-Pont. Une stèle où les 146 noms et prénoms des jeunes victimes de l'incendie sont inscrits en lettres d'or. À côté de cette stèle, trônent les deux tourniquets contre lesquels une grande partie des victimes sont venues buter avec les conséquences que l'on sait. Après cet incendie, une centaine de dancings ont été fermés dans toute la France. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'incendie du 5-7 à Saint-Laurent-du-Pont, dont nous allons parler avec notre invité Patrice Morel. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi enfant du pays, vous avez vécu ce drame de près, une catastrophe, je le rappelle, qui près de 50 ans plus tard continue de marquer la mémoire de la région, de la France, je ne sais pas, on en parlera, de la région, je pense quand même. Et vous vous exprimez en duplex de Quimper, dans les locaux de France Bleu Brèze-Isel, que nous remercions pour leur accueil. Donc, alors, déjà vous aviez quel âge au moment où ce drame est survenu, et où viviez-vous? Ben écoutez, j'avais exactement 18 ans et j'habitais à environ 15 kilomètres de Saint-Laurent-du-Pont, le lieu de la catastrophe. Alors ce grand dancing en milieu rural, j'imagine que c'était une attraction majeure pour les jeunes, c'était une aubaine. Vous en parliez entre vous, entre copains, lycéens à l'époque. Qu'est-ce que ça représentait? Bah écoutez, c'était une nouveauté puisque jusqu'à présent, dans cette région qui est une région assez rurale, mais quand même cernée par des grandes agglomérations comme Grenoble, Lyon, Chambéry, il n'y avait pas encore de discothèque de nuit et il y avait seulement des bals ou alors les jeunes se retrouvaient chez les uns et les autres dans des garages ou dans des lieux où ils installaient un orchestre, etc. Mais ce 5-7, c'était un établissement dont tous les jeunes parlaient depuis son ouverture 8 mois précédemment. Ouais, donc c'était un événement pour la région, c'est clair. Alors, vous n'étiez pas au 5-7, dans le 5-7, pendant cette nuit terrible, vous auriez pu y être. Exactement, et en fait, je n'étais encore jamais allé au 5-7. Mon frère y allait assez souvent, et il m'en parlait. On s'était dit, il faudra qu'un jour on aille faire un tour là-bas, c'est quand même bien. Il y a des orchestres qui viennent un peu de toute la France, il y avait même des orchestres anglais qui venaient, qui jouaient en live. Ouais. Et c'était tout à fait nouveau, donc on s'était dit, bon, faut qu'on y aille un jour. Et puis, ce soir-là, c'était le soir de la Toussaint, on est allé manger dans une pizzeria au bord du Rhône, avec 5 ou 6 copains, et puis vers 22h30, on sort, et on se dit, tiens, ben, ce soir, il y a les Storms, au 5-7, on va y aller faire un tour. On fait nos fonds de poche, et là, on s'aperçoit qu'on n'a pas assez d'argent. À l'époque, l'entrée au 5-7, c'était 12 francs, soit l'équivalent à peu près de 15 euros aujourd'hui, plus une boisson, donc il fallait compter une vingtaine d'euros, l'équivalent d'une vingtaine d'euros, on les avait pas. Et là, franchement, postérieurement, on peut remercier les parents de ne pas avoir donné suffisamment d'argent de poche. Le portefeuille vide vous a sauvé la vie. Ouais, l'aridité du portefeuille. Alors comment on vit ça quand on apprend ce qui s'est passé le lendemain? Racontez-moi. Écoutez, alors nous, du coup, on est allé ce soir-là dans une fête entre copains, dans une villa à Pont-de-Beauvoisin exactement. Et on est rentré avec mon frère vers 4h du matin. Sommeil lourd, et vers 7h, une explosion dans ma chambre. C'est ma mère qui rentre comme une furie, et qui dit « Ouf, vous êtes là ». Ma mère venait d'entendre les flashs d'information à 7h, 8h. Ah oui, dans une pièce de la maison, et elle accourt pour voir immédiatement si vous êtes là, si vous êtes rentré, s'il n'y a pas de problème. C'est ça. Voilà. Elle ne nous avait pas entendu rentrer, mon père non plus. Oui. Et ils entendent ça à la radio, on est à 15 kilomètres, mon frère va souvent au 5-7, donc mes parents se sont dit « Oula !» Et elle a poussé un ouf de soulagement, et cette scène, écoutez, puisqu'après j'ai fait un documentaire sur affaire du 5-7, cette scène s'est reproduite dans la plupart des familles de cette région. J'imagine à quel point le cœur a dû s'emballer, de vos parents, quand ils ont appris ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait dès le matin? Bon, c'est Saint-Laurent-du-Pont, vous êtes là à côté, les gens se connaissent. Il se passe quoi le matin? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on ressent? À quoi ressemble ce matin de Toussaint? C'est un matin de Toussaint avec du brouillard. Le soleil se lève vers 11h. Cette région, ce sont des gros villages, des gros bourgs, des petites villes de 3000, 2000, 5000 habitants. Tout le monde se connaît, et bien sûr, tout le monde ne parle que de ça. Moi, je vais au village, dans mon village, c'est Saint-Genis-sur-Guiers, c'est juste à côté. Et bien sûr, tout le monde au bar parle de ça. Et puis, je jouais au football à l'époque, en championnat de Savoie, dans l'équipe de ce bourg. Mmh. Et on avait un match l'après-midi. Mais écoutez, je peux vous dire que le match, il s'est fait à 20 à l'heure. Hein. C'était un match amical, heureusement, parce que... tout le monde était marqué. On connaissait des jeunes qui étaient dans l'incendie. On ne connaissait encore pas le nom des victimes, mais on supposait que certains de nos copains étaient dans l'incendie. Et vos parents connaissaient des parents de jeunes qui sont morts? Ils ont parlé ensemble? Il y a eu des actions de soutien? Comment s'est organisée la vie? La vie, elle s'est organisée de manière... vous savez, c'est comme un coup d'assommoir. J'imagine, oui. Dans une région comme celle-ci, où tout le monde se connaît.

qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc, le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne, etc. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends ? Ah, est-ce qu'il y a Brigitte Fontaine sur France Inter qui dénonce dans cette chanson, notamment, les marchands de sommeil. Là, pour le 5-7, ce ne sont pas des marchands de sommeil, mais des marchands tout court, parce que Patrice Morel, on l'a entendu, pendant le récit, l'un des propriétaires se justifie en disant « Mais si on n'a pas des tourniquets, alors tout le monde entre dans les discothèques sans payer. » Malaise quand même. Malaise, oui, d'autant que les tourniquets qui étaient prévus au permis de construire auraient dû être installés bien au-delà de l'endroit où ils étaient, en dehors du bâtiment. Et ils ont été installés comme tous qu'ont installé les trois jeunes gérants, de manière, je veux dire, sans respect de ce qui avait été prévu au permis de construire. Bien sûr, on le disait, c'est un millefeuille de négligence coupable. Et on peut le dire maintenant, après les faits, très coupable. Comment a-t-on pu accepter autant de négligence? Écoutez, le problème, c'est que à l'époque, mais question d'époque, effectivement. Pardon. À l'époque, c'était un peu un climat libertaire qui existait. Hein. C'était la jeunesse du baby-boom qui arrivait aux manettes à l'adolescence. Et en fait, les jeunes du baby-boom avaient entre 15 et 25 ans. C'était une époque de joie, il n'y avait pas de contraintes véritables au niveau de la santé, il n'y avait pas de sida, il y avait le plein emploi, il y avait le progrès, il y avait la prospérité. C'était les 30 glorieuses. Et je pense que sur le plan administratif, les maires, les élus réagissaient un petit peu de manière laxiste, décontracté. Oui, un peu laxiste, parce que je suis quand même allé vérifier, sachant que j'allais discuter avec vous, le journal officiel de ces années-là. Mm-hmm. Tout ce qui est inscrit dans le JO à l'époque en matière de sécurité incendie est déjà très strict. Et les élus, le maire et le préfet sont contraints de vérifier à différents stades de l'avancement des travaux la construction d'un établissement comme celui-là. Ils ne l'ont pas fait. Il n'y a pas eu de déclaration d'achèvement des travaux, il n'y a pas eu de certificat de conformité, il n'y a pas eu de passage de la commission de sécurité que le préfet aurait dû envoyer normalement. Donc, toutes ces négligences-là, alors on les a mises sur le... Ah, c'est un village, tout le monde se connaît, les jeunes, bon, ils sont bien sympas, ils ont accepté de mettre leur établissement loin du village pour ne pas embêter les gens, on les connaissait bien, c'est des gens honnêtes, bref, il y a eu beaucoup de laxisme autour de tout ça, quoi. Il y a eu une question aussi concernant le départ de l'incendie. Il a existé une rumeur d'un départ criminel. On va écouter à ce propos une déclaration d'Aimé Paquet. Il était alors député de l'Isère. Et pour qui cette théorie, hein, celle de l'incendie criminel, eh bien, n'est pas à exclure. Des rumeurs, effectivement, il y en a depuis hier. Des rumeurs selon lesquelles l'incendie du 5-7 ne serait pas un accident, mais un attentat. À vrai dire, nous connaissions à INF2 depuis plusieurs semaines l'existence de cette thèse. Nous avons pensé qu'il était préférable, pour ne pas influencer, bien sûr, le déroulement du procès, de ne pas en faire état jusqu'à aujourd'hui. Selon ces rumeurs, donc, le drame de Saint-Laurent-du-Pont aurait eu une origine criminelle. Et, disait-on à ce propos, un homme était bien informé à ce sujet, c'était Monsieur Aimé Paquet, le député de l'Isère. Quels sont les éléments qui vous ont incité à demander à ce qu'une enquête précise, minutieuse et, disons-le, secrète, soit menée sur l'éventuelle hypothèse d'un attentat au 5-7? Eh bien, au tout début de l'enquête, je sais que les deux hypothèses ont été retenues par le juge d'instruction, l'attentat et l'accident. Et puis très vite, l'hypothèse de l'attentat a été abandonnée parce que rien de sérieux ne venait l'étayer. Et quelques mois après, une personne très versée dans le milieu, très fort bien renseignée, m'a apporté des témoignages, des renseignements très troublants. Qu'en pensez-vous, Patrice Morel ? Écoutez, moi, personnellement, je ne crois pas à cette rumeur. Elle a existé, je ne crois pas au fondement de cette rumeur. Elle a existé parce que elle est sortie du milieu grenoblois. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a une guerre des gangs entre les milieux du banditisme, du grand banditisme, grenoblois, lyonnais. Mmh. Et à Grenoble, notamment, il y a la bande des Corses qui affronte celle des Italo-grenoblois. Et cette rumeur, elle est sortie du milieu des prostituées qui fréquentaient les Italo-grenoblois. Et j'ai des collègues, des futurs collègues journalistes qui ont enquêté à l'époque et qui en ont conclu que c'était une manière d'atteindre le gang d'en face, quoi. Ah, ouais. Quand même, il y a eu deux grands flics parisiens qui sont descendus à Grenoble pour enquêter pendant 10 jours, dont Pierre Coet, qui était une tête d'affiche de la police répressive du grand banditisme à Paris. Et Pierre Coet en a conclu, au bout de 10 jours, il a fermé son enquête et il a conclu que c'était une rumeur infondée. Mmh. Alors, bon, on n'a jamais su quand même la réalité de cet incendie, la réalité des origines de l'incendie. Il a été conclu à un accident dû au chauffage. Oui, c'est vrai. Qui a été très mal installé avec des gaines en novopan, c'était un contreplaqué de l'époque. Moi, je crois à cette version parce qu'il y a eu tellement de négligence au niveau de la construction du bâtiment que ça ne pouvait pas finir autrement. Et puis, il y a eu beaucoup dans cette période de raquettes, c'est vrai, d'incendies, de discothèques, mais cela se passait en plein jour. Quand il y avait personne. Voilà, on voulait détruire les locaux, mais pas les clients qui étaient dedans. Voilà, on détruisait les locaux, mais bon, aller mettre le feu quand il y a 180, 200 jeunes à l'intérieur, je doute, moi, personnellement, de cette hypothèse. Cela dit, on n'a encore aucune preuve jusqu'à aujourd'hui de l'origine réelle de l'incendie. Vous avez réalisé un documentaire sur cette affaire pour France 3, hein, c'est ça? Quelle était l'intention de votre documentaire? Mon intention, c'est-à-dire que ma mère habite toujours dans cette région et régulièrement je vais dans cette région. Je passe devant le mémorial régulièrement et je me suis toujours dit, mais pourquoi cette affaire est tombée dans l'oubli si rapidement? Alors, il y a eu la mort du général de Gaulle 8 jours après, hein, vous l'avez dit dans votre récit. Mais oui, bien sûr. Et la mort du général de Gaulle, internationalement, c'était quelque chose d'énorme qui a complètement couvert la catastrophe et qui, ensuite, a été un peu oubliée. Bon, il y a eu le procès 2 ans après, mais depuis lors, depuis 20, 30, 40 ans, personne n'a parlé de cette catastrophe. Et pourtant, quelque part, ça me brassait quand je passais devant le mémorial chaque fois. Je me disais, il faudra faire quelque chose. Du coup, j'ai essayé de retrouver les survivants, j'ai essayé de retrouver les secouristes et mes collègues journalistes avec lesquels je travaillais à ce moment-là après au Dauphiné libéré. Et puis, eh bien, écoutez, j'ai fait un documentaire. Et ensuite, il y en a eu 2 autres qui ont été faits, donc c'est très bien. En quelle année vous l'avez fait, votre documentaire? En 2010, il y a 10 ans. Ouais. Oui, récent donc, hein, 30 ans après les faits. Ouais. Bon. Dites-moi, le titre de Harakiri, balle tragique à Colombey à mort, le lendemain de la mort du général de Gaulle, et d'un point de vue du mot d'esprit, d'un point de vue journaliste, bah, c'est une performance, c'est une sacrée trouvaille. Mais bon, c'est un peu violent aussi en même temps. Ça correspondait à l'époque. Comment c'était vécu ça? Comment ça a été vécu? Bon, écoutez, moi j'étais étudiant, alors dans le milieu étudiant, ça a été plutôt bien vécu, parce que on lisait Harakiri, et par la suite on a lu Charlie Hebdo. Bien sûr. Mais dans le milieu rural, déjà c'était moins bien vécu, d'autant que ça attaquait le général, hein, c'était le grand Charles, c'était quelque chose en milieu rural. Et puis il y avait aussi un conflit de génération en milieu rural entre les jeunes que nous étions avec les cheveux longs, vous savez, les minets, comme on les appelait. Les babas, les minets. Et les loupards. Ouais, il y avait aussi les loupards. On pouvait être les trois en même temps, ça veut dire. En fait, dans cette jeunesse, il y avait beaucoup plus d'ouvriers que d'étudiants. Oui. À l'époque, à peine 20% d'une génération était bachelière. Donc, Donc, pour en revenir à ce conflit de génération... Et puis on va conclure là. Oui, il est temps. les gens nous voyaient d'un mauvais œil. Et, ah oui. Et ce qui a expliqué après le retournement de, contre les victimes, contre les familles des victimes, les populations locales. Merci infiniment en tout cas, Patrice Morel, pour ces éclairages et vos souvenirs que vous nous avez livrés. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'incendie du 5-7, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Ludovic Asselot et à Gabriel Huguet pour la technique à Paris et en Bretagne.